Le premier serment d'Al-Aqaba. Nous avons déjà rapporté que 6 Médinois embrassèrent l'islam lors de la saison du pèlerinage de la 11e année de la mission du prophète, alayhi salatu wassalam, promettant de communiquer le message de l'islam à leurs concitoyens. L'année suivante, à l'occasion du pèlerinage, 12 Médinois vinrent prêter serment d'allégeance au prophète, alayhi salatu wassalam. Ce groupe comprenait 5 des 6 hommes qui avaient rencontré le prophète, alayhi salatu wassalam, l'année précédente. Le 6e resté à Médine étant Jabir, fils de Abdullah, fils de Ri'ab. Les 7 autres étaient Mu'adh, fils d'Al-Harith, fils de Afra, des Banu Najjar, un Khazraj. Zaqwan, fils de Abdul Qais, des Banu Zurayq, un Khazraj. Ubada, fils d'As-Samit, des Banu Ghanam, un Khazraj. Yazid, fils de Tha'laba, allié des Banu Ghanam, un Khazraj. Al-Abbas, fils de Ubada, fils de Nadla, des Banu Sulaym, un Khazraj. Abul Haytham, fils d'At-Tayhan, des Banu Abdul Ashhal, un Aus. Et enfin, Uwaym, fils d'As-Sa'ida, des Banu Amr, fils de Auf, un Aus. Ce serment fut plus tard appelé serment des femmes, car il comprenait les mêmes articles que le serment prêté par les femmes qui avait été révélé dans la sourate 60, l'examiné, lors de l'année de la conquête de la Mecque. Il n'y était pas question de guerre. Al-Bukhari a rapporté, d'après Ubada, fils d'As-Samit, que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Jurez-moi allégeance, engagez-vous à ne rien associer à Dieu, à ne pas voler, à ne pas forniquer, à ne pas tuer vos enfants, à ne pas proférer de calomnie et à ne pas me désobéir dans ce qui est convenable. Celui qui respecte cet engagement, Dieu le récompensera. Celui qui commet l'un de ses péchés et qui en est châtié dans le monde d'ici-bas aura expié sa faute. Mais celui dont le péché demeura caché, échappant ainsi au châtiment terrestre, verra alors son affaire se trouver entre les mains de Dieu. Il peut lui pardonner ou bien décider de le punir. » L'émissaire des musulmans auprès des Médinois. Ce serment d'allégeance conclu, le prophète alayhi salatu wassalam envoya à Yathrib, à Médine, Mus'ab, fils de Omer al-Abdari, radiallahu anhu, qui fut ainsi le premier ambassadeur musulman, ayant pour mission d'enseigner aux Médinois réceptifs les principes de l'islam, ainsi que la tâche de propager la religion parmi ceux qui étaient encore polythéistes. Ce fut As'ad, fils de Zurara, qui l'hébergea à Médine. Beaucoup de Médinois étaient déjà préparés à la venue de l'islam, et le prosélytisme fut ardent, si bien que l'islam se répandit rapidement de maison en maison et de tribu en tribu. L'histoire suivante montre bien le succès que rencontra Mus'ab, fils de Omer, dans sa prédication. Un jour, As'ad le conduisit dans les demeures des Banu Abd al-Ashhal et des Banu Zafar. Ils pénétrèrent dans l'un des jardins clos de ces derniers. Là, ils s'assirent près d'un puits afin de parler avec quelques nouveaux convertis. Sa'ad, fils de Mu'adh, et Usayd, fils de Hudayr, seigneur des Abdul Ashhal, entendirent parler de cette rencontre. Sa'ad, fils de Mu'adh, dit à Usayd, « Ces deux hommes sont venus ici pour tromper les faibles d'esprit. Chasse-les et enjoins-leur de ne plus fouler notre territoire. Si As'ad, fils de Zurara, n'était pas mon cousin, je serais intervenu et je les aurais chassés. » Usayd prit alors sa lance et se dirigea vers le jardin clos où se trouvaient Mus'ab et As'ad, fils de Zurara. Il s'approcha en jurant, accusant les deux hommes de tromper les gens à l'esprit faible et leur ordonnant de cesser leurs manœuvres immédiatement. Calmement, Mus'ab, averti par son compagnon de l'identité et du statut social de leur interlocuteur, invita Usayd à s'asseoir en disant « Voudrais-tu t'asseoir pour écouter ce que j'ai à dire? Si cela te plaît, accepte-le, sinon je partirai sans plus attendre. » « C'est une proposition équitable, » dit Usayd. Il planta sa lance dans le sable, écouta Mus'ab et entendit ensuite quelques versets du noble Coran. Son visage refléta alors de la satisfaction et de la joie avant même qu'il n'ait prononcé la moindre parole d'approbation. Puis il s'exclama « Que ces paroles sont belles !» Il demanda alors comment il fallait s'y prendre pour embrasser l'islam. Les deux hommes lui répondirent qu'il devait effectuer une grande ablution, purifier ses vêtements, attester de la vérité et ensuite accomplir 2 unités de prière, 2 raka'a. Il suivit scrupuleusement leurs indications et il dit ensuite qu'il y avait un homme, Sa'ad, fils de Mu'adh, dont le clan entrerait en islam si celui-ci devenait musulman. Il partit donc pour rencontrer Sa'ad, resté parmi les siens. Dès son arrivée, Sa'ad comprit qu'Usayd avait changé. Lorsque Sa'ad lui demanda ce qu'il avait fait, Usayd répondit qu'il avait parlé aux deux hommes et qu'ils acceptaient de se plier à ses exigences. Usayd ajouta « J'ai appris que les Banu Haritha sont sortis pour tuer As'ad, fils de Zurara, dès qu'ils surent les liens qui vous unissaient, voulant ainsi t'humilier. » Envahi par la colère, Saad se leva armé de sa lance et prit le chemin du jardin clos. Arrivé auprès de Mus'ab et d'As'ad, fils de Zurara, il comprit le dessein d'Usaïd. Un scénario identique à celui vécu par Usaïd se répéta alors et Saad embrassa l'islam. Il s'adressa ensuite aux membres de son clan, en jurant qu'il ne leur parlerait plus tant qu'il ne croirait pas en Dieu et en son messager, alayhi salatu wassalam. Le soir même, tous les hommes et toutes les femmes de son clan avaient embrassé l'islam, à l'exception d'un seul individu, Al-Husayrim, qui demeura réticent jusqu'au jour de la bataille d'Uhud. Ce jour-là, il entra en islam et combattit les polythéistes jusqu'à ce qu'il trouvât la mort sans avoir accompli ne serait-ce qu'une seule prière. Le prophète alayhi salatu wassalam fit à son propos le commentaire suivant. Il a peu agi, mais immense sera sa récompense. Mus'ab resta à Médine. Il mena sa mission avec zèle et ses efforts furent couronnés de succès. Toutes les demeures des Ansar, c'est-à-dire ceux qui ont soutenu la religion de Dieu et accueilli les musulmans ayant émigré de la Mecque, eurent en leur sein des convertis, hommes et femmes. Seuls les Banu Umayya, fils de Zaïd, les Banu Khatma et les Banu Wa'il, qui étaient sous l'influence du poète Qais, fils d'Al-Aslat, attendirent jusqu'à la 5e année de l'Hégire pour devenir musulmans. Peu de temps avant le commencement de la saison du pèlerinage de l'année suivante, c'est-à-dire durant la 13e année de la mission prophétique, Mus'ab, fils de Omer, retourna à la Mecque, portant au prophète, alayhi salatu wassalam, des nouvelles pleines d'espoir quant au terrain fertile pour l'islam que constituait Médine, ville puissante et imprenable.